Chapitre 9e. Un prophète. Un réflecteur concentrait sur le globe la lumière d'une forte lampe électrique. La soirée s'avançait. Debout près de la sphère, M. Robinson examinait les points desservis par la nouvelle compagnie maritime qu'il venait d'incorporer au Trust. Sur le parcours, il piquait des épingles sommets du pavillon de l'UST. Mais cette occupation l'absorbait moins que de coutume. Visiblement impatient, il sonna, questionna l'huissier. « Vous êtes bien sûr que personne n'est venu me demander. J'attends un visiteur. Vous l'introduirez dès qu'il se présentera. » Son opération achevée, le financier prit une lettre ouverte sur le bureau et se mit à la relire. Cette lettre, datée du mois précédent, portait le timbre du Cap. « Je ne sais, cher monsieur, si je pourrai vous joindre à Londres en juillet prochain. J'arrive de la Rhodésia. Je suis retenu au Cap et je devrais séjourner une semaine en Égypte. C'est à Paris, m'écrivez-vous, qu'il faudra peut-être vous chercher, qu'un télégramme me prévienne à Marseille et je m'arrêterai quelques heures à Paris pour vous voir. Il est indispensable que je vous voie. L'esprit de vérité fera ma parole brûlante pour vous convaincre. Vous n'êtes qu'à demi convaincu, cher monsieur Robinson, la force de l'idée vous étreint. Vous résistez encore à ces conséquences dernières. Vous croyez à ce qui fut la foi de tous les héros de notre race, depuis le premier et le plus grand prophète de cette foi, Olivier Cromwell. Vous croyez à la réalité d'une mission providentielle chez la race qui parle l'anglais. Vous avez compris, et vous traduisez dans vos actes, les justes paroles de votre Emerson. Les Saxons ont été pendant 1000 ans la race dominante, sans autre cause que l'indépendance pécuniaire. Ce qu'ils veulent, c'est le pouvoir de donner corps à leur pensée, de la faire vivre en chair et en os. Pour tout homme d'esprit clair, telle est la fin pourquoi l'univers existe. Il vous apparaît maintenant qu'au point de richesse et de puissance où la volonté divine nous a tous élevés, l'heure est venue de préparer la confédération des peuples anglo-saxons. C'est notre devoir envers le monde, puisque nous avons l'impériale responsabilité de ce monde, la mission de l'élever en dignité. Il ne pourra progresser dans la paix que sous notre sceptre de rectitude et d'équité. Il le sait, il attend de nous les bienfaits que nous seuls pouvons lui donner. Si l'on instituait un plébiscite entre tous les fils d'Adam, s'il devait désigner parmi les races humaines la plus apte à faire régner sur eux la justice, la liberté, la paix, chacun nommerait d'abord sa propre race, naturellement. Mais le second vote irait sans nul doute à l'anglo-saxonne. Elle doit s'unir pour répondre aux vœux universels. Vos préjugés particularistes bataillent encore contre l'évidence. Le peuple américain n'est pas mûr, dites-vous, pour cette union étroite où s'accompliront nos grandes destinées communes. Vous faites injure au bon sens de ce peuple. Ses yeux s'ouvriront à la lumière. Elle éclaire déjà nos yeux anglais, dès qu'il regarde l'univers avec une intelligence positive de l'avenir. Comment ne verrait-il pas ce qui est écrit en lettres de feu dans tous les faits récents de l'histoire? Sous les pavillons anglo-saxons vivent et travaillent un tiers des hommes de race blanche, une moitié des hommes de couleur qui habitent la planète. Nous l'avons enserré dans le filet de nos câbles. Nous avons noué autour de ses flancs la ceinture électrique où circule notre pensée. Nous sommes les suprêmes gardiens des routes liquides. Nous possédons tous les réservoirs de l'or, sauf la Sibérie. Nous avons créé la plus grande somme de forces organisées que l'on ait jamais vue à la disposition d'une seule race. Nous avons groupé toutes les ressources de l'activité humaine pour une fin déterminée. Notre puissance matérielle est pourtant peu de chose en regard de notre puissance morale. Selon le mot profond de Wise, nous sommes une combinaison évangélique. Gladstone exprimait autrement la même vérité lorsqu'il disait « Notre race peut réclamer le droit de fonder une sorte d'église universelle en politique. Dans l'unité de cette église civique disparaissent les dissidences négligeables des sectes, des constitutions, des intérêts divergents. Elle apporte aux hommes le Dieu vivant, défiguré partout ailleurs par de grossières superstitions. Elle leur donne la justice et la liberté, l'ordre et le bien-être. L'antagonisme des intérêts vous semble irréductible, homme de peu de foi. Pensez-vous que cet accident puisse rompre ces liens permanents, la communauté d'origine, de langue, d'esprit politique, de sentiments religieux? D'Édimbourg à San Francisco, du Cap à Sydney, ne sommes-nous pas tous au même degré, les fils de la Bible et de la Grande Charte, de Shakespeare et de Cromwell? Regardez le monde moderne. Tout l'effort de notre temps pousse vers l'unification des races de même origine, de même langage. Et la plus cohérente échapperait seule à cette loi? Rêve encore lointain, dites-vous. Je vous répéterai ce que Russell Lowell écrivait à Steed dans sa lettre sur ce même sujet. Toutes les bonnes choses que nous avons dans le monde aujourd'hui ont commencé par être des rêves. Mais l'union n'est pas un rêve, elle est un fait de réalisation prochaine. Vous souvient-il du discours aux étudiants de Glasgow où Lord Rosebery évoquait le magnifique tableau de ce qui aurait pu être? L'exode à travers les mers du plus grand souverain, de la plus grande flotte, du plus vénérable gouvernement de l'univers, émigrant solennellement dans l'autre hémisphère sous l'étreinte vigoureuse d'un monde plus jeune. L'Angleterre, demeurant un reliquaire historique, la garde avancée en Europe de l'Empire du Nouveau Monde. Le noble lord énumérait les avantages de cette extraordinaire révolution. Il disait « Pour assurer ses bienfaits inappréciables, j'aurais accepté de voir le Parlement fédéral anglais siéger sur le territoire de la Colombie. Un fait est possible, il est déjà vivant, lorsque les hommes en parlent d'un cœur si enthousiaste et n'y opposent plus que l'effroi de chicane de la raison. Notre idéal sera un jour la réalité. Il se concrétera dans la précision d'un fait politique. Tout tend à la matérialisation de cette idée généreuse. » Qui disait cela naguère? Monsieur Balfour, vous ne le traiterez pas de rêveur, je suppose, ni non plus Lord Derby. Nous étions encore enfants, vous et moi, quand cet homme d'état positif écrivait au docteur Dillon « L'idéal le plus élevé que je puisse prévoir dans l'avenir pour mes concitoyens, c'est l'époque où nous serons admis dans l'Union américaine pour ne former qu'une grande fédération. » Cecil Rhodes ne doutait pas, lui, le plus grand ouvrier du destin anglais. La leçon des faits l'avait corrigé peu à peu de son aversion première pour le partenaire américain, de sa confiance aveugle dans l'exclusive suprématie britannique. À ses yeux, la réunion de toutes les nations de langue anglaise était un but si grand qu'elle devait justifier le sacrifice des intérêts distincts et même la réduction de l'Angleterre au rôle d'un vieux manoir de famille, d'un musée où la race viendrait se retremper avec piété. Il ne pouvait penser sans colère au schisme du XVIIIe siècle, aux hommes d'État ignorants et stupides qui en portent la responsabilité. « On eût bien fait de les assassiner, » s'écriait-il souvent. Il en était venu à accepter l'absorption de l'Empire dans l'Union américaine pour rebâtir la Cité de Dieu, comme il me le disait en 1889, pour reconstituer un équivalent de l'Église du Moyen-Âge sur des fondements aussi larges que l'humanité. C'est alors qu'il s'ouvrit à moi de son projet favori, l'établissement de l'Association des Auxiliaires, la société secrète qu'il voulait instituer sur le plan et avec les règles essentielles de l'ordre des Jésuites. Elle devait se recruter principalement parmi les multimillionnaires de langue anglaise, travailler dans le monde entier aux grandes œuvres, la fusion et l'extension de la race dominatrice. Depuis lors, je me suis dit souvent que cet homme de génie avait eu la préscience de votre venue, cher monsieur Robinson. Des milliers d'Anglais éminents pensent comme lui, comme notre Chamberlain lorsqu'il s'écriait devant son auditoire de Toronto « Je refuse de parler des États-Unis comme d'une nation étrangère. Nous sommes tous de la même race et du même sang. Nous sommes les branches d'une même famille. » Mais vous doutez que leurs pensées se propagent sur votre continent. Eh quoi? N'y entendez-vous pas les voix autorisées qui leur font écho? Je n'en veux citer que deux. Vous ne les récuserez pas. Vos lettres m'ont fait connaître votre admiration pour le capitaine Mahon. Son livre est votre boussole. Ses maximes règlent vos entreprises. Ignorez-vous qu'il est des nôtres, le restaurateur de la marine américaine, l'oracle de tous les hommes de mer anglo-saxons? N'auriez-vous pas lu ses plaidoyers pour le renforcement de la fédération impériale, pour la réunion anglo-américaine? Rappelez-vous enfin les professions de foi retentissantes d'un de vos pères, le riche et sage Carnegie. relisez les affirmations de son dernier article. Que les hommes disent ce qu'ils veulent, mais j'affirme qu'aussi sûrement que le soleil dans les cieux brilla sur l'Angleterre et l'Amérique unie, aussi certainement il se relèvera un matin et brillera encore joyeusement sur les États unis à nouveau de l'Union américaine et britannique. Et cela va se produire beaucoup plus vite que vous autres du vieux monde ne l'imaginez. L'idée de réunion serait accueillie avec enthousiasme aux États-Unis. Aucun parti n'y ferait opposition. Chacun tenterait de surpasser les autres en approbation. Que répondrez-vous à ces assertions formelles d'un de vos grands capitaines d'industrie, d'un Carnegie ? Non, ce n'est point un rêve. La paix romaine rétablie sur le globe par le justicier saxon. Elle se réalisera, la prophétie de John Harrington, dans son Océanie. Que penseriez-vous si le monde revoyait encore l'aigle romaine ? Elle rajeunirait et reprendrait son vol. Si vous ajoutez à la propagande de la liberté civile celle de la liberté de conscience, cet empire, ce patronage du monde est le royaume de Christ. À vous, cher monsieur, de prendre la première place dans ce cœur des hommes de bonne volonté. Vous servez déjà la foi dont vous doutez encore. Vos actes utiles devancent l'adhésion entière de votre esprit. J'espère qu'il me sera donné bientôt de déterminer cette adhésion complète. À ce point de sa lecture, M. Robinson fut interrompu. La porte s'ouvrait, donnait passage au visiteur attendu. C'était un homme de haute taille, le visage tout en front, avec un tic dans la mâchoire qui découvrait par instants des dents féroces de jeune loup. Derrière le monocle incrusté dans l'arcade sourcilière, l'œil gauche brillait d'un éclat d'escarboucle. Un globe blanchâtre roulait dans l'orbite de l'autre œil, probablement éteint par quelque maladie. Une longue barbe fauve tombait très bas sur la poitrine. Il déroulait ses volutes avec une opulence capricieuse à rendre jaloux le Moïse de Michel-Ange. Et c'était bien un prophète de l'ancienne loi qu'il faisait tout d'abord penser, ce borgne athlétique, barbu, haut en couleur, avec une flamme d'inspiration dans son unique regard, et quelque chose d'ingénu pourtant dans la conformation du crâne, dans le sourire de la bouche formidablement armée. On s'étonnait de lui voir, au lieu de la draperie classique ou du saillon d'un Jean-Baptiste, ses attributs trop modernes. Le monocle, le costume de voyage en cheviotte, le plaid à carreaux qu'il portait sur le bras gauche. L'œil étincelant se posa sur le maître du logis. « Monsieur Archibald Robinson, je pense ?»« Parfaitement. Monsieur Hiram Jarvis ?»« Lui-même. Enfin !» Les deux hommes s'avancèrent l'un vers l'autre. Ils se prirent les mains avec la cordialité d'étreinte, avec le rayonnement expansif de vieux amis qui se retrouvent après une longue séparation. Monsieur Robinson attira son visiteur vers un fauteuil où il le fit asseoir. Ils se turent un moment, comme oppressés par l'affluence des paroles qu'ils avaient à se dire, et tout entier à la joie silencieuse de se trouver réunis. Ces deux hommes ne s'étaient jamais vus. Il serait superflu de présenter longuement M. Hiram Jarvis. Qui ne connaît le rôle, restreint en apparence, considérable en réalité, que cet esprit d'avant-garde joue dans la presse et dans la politique anglaise. Fils d'un père écossais et d'une mère américaine, directeur d'un magazine où il développe ses idées originales, tantôt il endoctrine et stimule ses compatriotes, tantôt il court le monde, approchant tous les princes, tous les ministres. Il les interroge, il leur en impose par sa liberté de langage. Sous les façons du grand reporter moderne, les potentats croient revoir un de ces anciens nabis qui m'originaient les rois de l'Orient. Il a été l'un des premiers instigateurs de cet impérialisme qu'il voulait pacifique, dont il déplore et finit par absoudre les emportements belliqueux. Il est très particulier, disent en souriant les gens de sens rassis, et leur prétention est de ne pas compter avec ses idées, avec la petite clientèle de ses fanatiques. Mais le mysticisme pratique d'Hiram Jarvis a des prises profondes sur les cœurs anglais. Tel article de lui influence la cité, les communes, la cour, plus que ne veulent en convenir ceux qui le suivent en le traitant d'illuminé. M. Robinson rompit le silence. Ses paroles tombèrent lentement, martelées par une conviction intime. « Je relisais votre lettre. Mon premier mot doit être un remerciement. Vous avez donné un sens à ma vie, un emploi rationnel à cette lourde fortune qui me pesait. Du jour où j'ai commencé de lire vos écrits, je me suis dit « Voilà mon homme, celui dont la pensée orientera mon action vers le but qu'elle cherchait. » J'ai fait plus d'une tentative pour vous rencontrer, monsieur Jarvis. Il y a 3 ans, je me trouvais à Londres, quand un de vos courageux articles attira sur votre tête cette inepte condamnation. J'allais vous chercher à la prison de Holloway, où on m'en refusa l'entrée. Alors je me décidai à vous écrire. Et moi, monsieur, j'avais l'œil fixé sur vous. Je voyais votre puissance tourner dans le vide, comme la pierre lancée par la fronde dont parle le psaume. Je pressentais en elle un instrument élu pour accomplir les destinées de la race. Vous n'avez jamais cru, n'est-ce pas, que je fusse un stupide accapareur d'argent? Ma volonté s'est appliquée d'abord à la conquête de la richesse. J'y trouvais le même plaisir athlétique qu'au football, une dépense joyeuse de mon énergie. Puis, j'aimais le dollar comme un bon ouvrier aime son outil, pour le travail qu'il exécutera avec cet outil. On a dit de moi, par manière d'éloge, que je conduis mes dollars et ne me laisse point conduire par eux. Ce ne fut pas toujours vrai. Pendant longtemps, ils m'ont conduit vers un but que j'ignorais. Les dollars sont parfois intelligents, interrompit M. Jarvis. Ils sont alors les serviteurs d'une pensée préétablie. Vous savez, reprit M. Robinson, comment j'ai découvert et acquis dans l'Ouest d'immenses gisements de charbon. Comment, de petits employés, ils m'ont fait gros capitaliste. Il fallait transporter mon charbon vers les usines de l'Est, vers les côtes. J'ai dû construire des voies ferrées, acquérir ensuite celles de mes concurrents. Je l'ai fait d'abord en maugréant contre cette nécessité. Mes chemins de fer ont accumulé dans les ports mon charbon et aussi les produits des usines que je créais pour utiliser ce combustible. Je me vis contraint d'affréter des bâtiments pour exporter dans le vieux monde ce stock de surproduction, contraint encore de neutraliser la concurrence des anciennes lignes maritimes en les groupant sous mon pavillon. Oui, vous avez marché comme Napoléon, entraîné par la tyrannie de ses victoires du Rhin au Danube, du Danube au Niémen, forcé de s'agrandir chaque jour pour ne pas tout reperdre. On croit que j'ai pesé sur les compagnies européennes pour les embrigader malgré elles. Quelle erreur! La plupart sont venues d'elles-mêmes me prier de les réunir, de les protéger ainsi contre la concurrence qui les ruinait. Toujours comme Napoléon, les petits États allemands, menacés par les gros, venaient lui demander d'être le protecteur de la Confédération germanique. Jusqu'à ce moment, poursuivit le financier, la variété de ces opérations suffisait à occuper mon esprit. Je passais de l'une à l'autre. Ce qui était plus nouveau était plus excitant. Mais un jour vint où le rendement brut de mon activité ne paya plus l'effort qu'elle m'imposait. Seul, après la mort de ma compagne, privé d'enfants, je n'avais pas à qui transmettre une fortune chaque jour accrue. Le soir, je descendais profondément dans mon cœur. Je me rappelais le mot que prononçaient les papes aux cérémonies de leur intronisation, quand ils jetaient des poignées d'or à la foule. « L'or et l'argent ne sont pas faits pour mon plaisir. » Je voyais grandir avec mes acquisitions les terribles responsabilités du pouvoir politique et social qu'elles me conféraient. Puissant est celui qui produit et transporte en grand le blé, le charbon, le fer. Il déchaîne les grèves et les guerres, il les fait cesser. Il arrête ou précipite les mouvements de la vie. Vrai maître du sort des hommes, plus peut-être que les tyrans de jadis. Je me sentais devenir roi. À quoi servirait ma royauté? On dit que nous sommes un grand État capitaliste. On se trompe. Cet État qui ne serait fondé que sur l'argent ne peut pas exister. Pour tout Américain digne de ce nom, l'argent n'est qu'un moyen. La vérité, c'est que notre État capitaliste est le serviteur et l'auxiliaire d'une patrie réelle, d'une race, d'un sentiment qui lie des millions de cœurs. Nos affaires, qui paraissent colossales à ceux du vieux monde, seraient bien mesquines si elles n'étaient en réalité les affaires de toute la race anglo-saxonne. Cela, je commençais à le sentir confusément. Vos écrits, vos lettres, me l'ont clairement révélé. Vous ne doutez donc plus ? S'écria M. Jarvis. Le jeu plus saccadé de ses maxillaires exprimait chez lui le contentement. « Vous comprenez maintenant la grandeur et l'urgence de la tâche où je vous conviais. »« Oui, mais je ne vais ni aussi vite, ni aussi loin que vous. » La voix de l'intérêt immédiat est toute puissante sur l'esprit pratique de notre peuple, et les intérêts américains sont souvent opposés aux vôtres. De plus, ce peuple se sent appelé à un rôle prépondérant dans le siècle qui s'ouvre. Il ne souffrirait pas qu'on entravât ses membres, qu'on enchaînât sa force de titan. Sous les rudes étoiles qui nous gouvernent, les fils de la vieille Angleterre ont changé plus que vous ne croyez, cher monsieur. Ils ont perdu le souci des choses qui vous tiennent le plus à cœur, et s'ils réclament une place parmi les nations qui façonnent le destin de l'humanité, c'est pour y marquer leur propre figure, pour s'y procurer ce qu'ils désirent passionnément. Une histoire américaine, une gloire américaine, un patriotisme américain. Ils entendront l'intérêt commun de la race. Ils s'élèveront au patriotisme de race, répondit avec feu le prophète barbu. Faut-il vous répéter les noms, les déclarations expresses de ceux qui l'entendent déjà ? Carnegie, si explicite dans mon sens, n'est-il pas un conducteur d'hommes, lui aussi, et ne connaît-il pas les hommes américains ? Le roi des capitalistes eut un sourire de condescendance. Carnegie s'est acquis une honnête petite aisance. Il peut philosopher à loisir. Il n'a pas mes lourdes responsabilités. Vous souvient-il, ajouta M. Robinson, des mots qui furent l'occasion du schisme entre Israël et Juda? Les jeunes gens de l'entourage de Roboam lui faisaient dire « Le plus petit de mes doigts est plus gros que le dos de mon père. » La jeune Amérique pense de même lorsqu'elle se compare à la grand-maman anglaise. Donnez-moi le livre des chroniques et je vous répondrai, repartit M. Jarvis. Il avait aperçu la Bible sur le bureau. Il l'ouvrit. Le talon de chèque vint sous sa main. Il lut le texte relevé au crayon sur ce papier. Après cela, les enfants de Juda et les enfants d'Israël se réuniront ensemble. Ils s'établiront un même chef et ils s'élèveront de la terre. Qu'ai-je besoin de répondre ? S'écria-t-il avec un accent de triomphe. « Celui qui a recueilli cet oracle est conquis à la vérité. Sa raison timide se défend encore, son cœur est gagné. Pour en être sûr, il m'eût suffi de regarder les images de vos conseillers. Les héros modernes de la race vous ont parlé. » Il montra du doigt les portraits appendus au mur. « Livingstone, Gordon, Rhodes. » L'apôtre, le paladin, le créateur d'empire. « Écoutez ce qu'il vous enseigne, le grand calomnier. » À l'exemple de Jéhovah, il insuffla son âme dans la boue qu'il avait pétrie, et il l'avait pétrie, hélas, avec du sang et des larmes. Pour en extraire de l'or, pensaient les juges superficiels. Cet or, il ne l'amassait que pour bâtir dans sa création le temple de l'esprit. Ce rude artisan, qui travaillait brutalement sur une matière brute, était un fervent adorateur de l'esprit. Le monde sait maintenant à quoi Rhodes destinait ses richesses, jusqu'au dernier shilling. À créer de la civilisation, de la pensée, de la lumière dans le chaotique empire qu'il avait suscité du néant. Vous êtes un de ces frères d'âme, Archibald Robinson. Je l'ai vu se débattre contre ses préjugés britanniques comme vous contre vos préjugés américains. Il a hésité longtemps, lui aussi, avant de se rendre à la grande idée. Comme vous, il la servait activement avant d'y croire. Je ferai de même, Hiram Jarvis. Je vous ai dit mes objections, mais vous l'avez deviné, je souhaite autant que vous cet avenir, si je n'ose l'espérer aussi prochain, aussi certain qu'il vous semble. Nous verrons peut-être encore des luttes fratricides entre les membres de la famille anglo-saxonne. Ils ont des oreilles, et ils ne nous entendront pas. Qu'importe, les défaites des individus font la victoire de la race. Agissons comme si l'idéal devait être demain le réel. D'ailleurs, je vous le répète, cet idéal que je tiens de vous a donné un sens et un but à ma vie. C'est une raison suffisante d'agir selon vos aspirations. Ne vous ai-je pas obéi quand vous m'avez persuadé de tout subordonner à la conquête commerciale des mers ? Ce n'est pas à moi, c'est à la plus claire des lois de l'histoire que vous avez obéi. Le pouvoir de la mer, ce livre, régulateur de l'effort anglo-saxon, vous l'a enseigné. » M. Jarvis poussait sur la table le livre du capitaine Mahan. « Illusions éphémères, tentes dressées pour une nuit, les grands établissements que les conquérants ont faits sur la terre. Le siège de la longue puissance est sur l'océan. Aussi longtemps qu'ils tinrent la mer, les petits États défièrent les grands empires et commandèrent au monde. La petite Grèce, Tyr, Amalfi, Pise, Gênes, Venise, le Portugal, la Hollande. Si Rome a triomphé de Carthage, si elle est devenue l'Empire romain, c'est qu'elle avait ravi la mer à son ennemi. L'Espagne de Charles Quint s'effondra misérablement lorsqu'elle perdit la maîtrise de la mer. Napoléon rassembla l'Europe sous ses aigles. Il ne possédait rien, parce que l'inexorable mer nous restait. Ce n'est pas le russe qui l'a vaincu, c'est notre pouvoir maritime. Wellington ne fut qu'un projectile lancé par nos vaisseaux. » Véritable leçon de l'histoire, appuya l'Américain. Le nouveau César germanique l'a comprise. Voyez ses efforts pour nous disputer ce pouvoir. Grâce à la constance de nos pères, continua M. Jarvis, nous avons su rester les maîtres de la mer dans toutes les vicissitudes des temps. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui sur ce globe les maîtres d'un tiers de la surface solide. Mais le poids des masses océaniques devient trop lourd pour la petite île qui le portait seule. Il faut que tous nos enfants nous aident. Il faut que notre grande fille, celle qui fait face aux deux océans, jette son filet sur les eaux où les mailles d'une autre sont trop lâches. Mahon l'a bien vu, et l'ayant vu, ce bon Saxon est des nôtres. Il réclame avec nous l'union. Mahon a raison, reprit M. Robinson. Mais ce qu'il n'a point vu, c'est la subordination de son pouvoir militaire au pouvoir économique. Ses vaisseaux de guerre et les vôtres ne sont que les convoyeurs dociles de mes flottes commerciales. Où je les appellerai, ils viendront, comme les chiens suivent le chasseur qui les siffle. Si je ne les appelais pas, ils n'auraient point de raison d'être. On n'en construirait bientôt plus. Sur mer comme sur terre, les affaires gouvernent le monde. Elles commandent au pouvoir politique, aux armées et aux marines dont ils disposent. Bien dit, cher monsieur. Et c'est pourquoi je ne cesse de vous crier, au nom des intérêts impériaux de la race, emparez-vous des ports, des flottes marchandes, partout où vous prévoyez un grand développement du trafic. Sur les rivages déserts où afflueront un jour les richesses des continents, ébauchez les cités maritimes de l'avenir. Relevez de leurs ruines celles que l'incurie des anciens possesseurs vous abandonne. Quel pavillon flottera sur les cuirassés qui viendront garder vos prises? L'Union Jack? Les bandes et les étoiles? Je ne sais, mais je sais que des pavillons anglo-saxons produiront leur force sur toutes les terres et les eaux où vous produirez de la richesse. Vous demandez beaucoup à un seul homme. Ne craignez-vous pas d'égarer ses efforts lorsque vous le pressez en outre de détourner une part de son activité sur le lac Tchad et l'Afrique centrale? Je lui demande l'effort le plus urgent. Eh quoi? N'auriez-vous pas deviné toute ma pensée? L'affaire est bonne, dit le financier. Elle payera. Des renseignements récents m'en ont convaincu. Déjà les maisons de Philadelphie et de Cleveland fournissent aux chemins de fer africains des rails, des wagons, des machines. Notre métallurgie ne sait plus où placer sa surproduction. Elle trouvera un débouché dans mon nouveau domaine. C'est une question de vie ou de mort pour mes usines. Mais il y a pour moi quelques obscurités dans la lettre que vous m'écriviez à ce sujet. Je vous écrivais de la Rhodésia, reprit avec animation le prophétique personnage. J'y voyais naître les États-Unis du XXe siècle. Une nouvelle nation s'agglomère sur des territoires riches, sains, hospitaliers, 6 ou 7 fois grands comme les îles britanniques. Avant 10 ans, le transcontinental du Cap au Caire y fera circuler une vie intense. La Rhodésia, le Rand, immense chaudière de distillation où le sang de toutes les races vient se précipiter dans le sang de notre race. Bulawayo, le village nègre d'hier, prend déjà la figure du nouvel Washington. Vos concitoyens y seront bientôt plus nombreux que les miens. Cette deuxième Amérique sera l'un des points de soudure où s'accomplira la fusion impériale de nos deux familles. Mais pour que cette nation nouvelle prospère comme a fait la vôtre, il faut qu'elle puisse, comme vous, s'épandre librement sur un continent où nul voisin ne l'inquiétera. Il faut que l'Afrique tout entière devienne un fief anglo-saxon. Il le faut pour que nous remplissions tout notre devoir envers ses habitants. Nous seuls pouvons vivifier les Indes noires, y faire régner l'ordre, la justice, la paix anglaise. » En effet, approuva M. Robinson, et là seulement nous pourrons travailler sans craindre pour le fruit de nos travaux. En Europe, il se peut que les marchés nous soient fermés par l'hégémonie de l'Allemagne, par sa concurrence industrielle. En Asie, il se peut que le florus submerge un jour vos vastes établissements. L'Afrique est notre champ d'expansion le plus sûr, un camp retranché où rien ne menacera de longtemps les migrants saxons. En êtes-vous bien certain ? S'écria M. Jarvis. L'œil presbyte s'éclaira, dilaté par les visions lointaines qui l'emplissaient. La voix se fit plus véhémente pour des vaticinations plus hardies. Ce domaine privilégié, notre négligence l'a laissé entamer. Le bassin du Congo nous a déjà échappé. Des intérêts mercantiles nous ont retenus sur le bas Niger, alors qu'il fallait occuper sans retard nos territoires du Soudan central, planter notre bannière sur les bords du Tchad. D'autres nous ont devancés. Quelques Français aventureux ont contourné la mer intérieure qu'ils voudraient accaparer. Ils la relieront à leur possession du Congo. Français et Belges, frères par le sang, se donneront un jour la main sur les deux rives du grand fleuve équatorial. Peu redoutables aujourd'hui, ces pionniers le deviendront plus tard, si je ne me méprends point sur la loi qui régira désormais le destin de la race gauloise. Sous la poussée irrésistible des races septentrionales, l'axe de la puissance franque se déplacera peu à peu vers le sud. En des temps qui échappent à nos calculs, nos arrière-neveux verront peut-être cet axe reporté d'Europe en Afrique. La famille gauloise trouvera sur ce continent un abri où se reformer. Pouvez-vous envisager de sang-froid la constitution d'un grand empire franc au centre de l'Afrique? Avec ce coin de fer dans notre cœur, plus de sécurité pour les futurs États-Unis entre le Cap et le Zambèze. Menacer sur tout son flanc notre route impériale du Nil. Les luttes séculaires qui ont ensanglanté le vieux monde se renouvelleraient fatalement sur le sol africain, entre les mêmes rivaux. On y reverrait peut-être des guerres de 100 ans. Danger bien lointain, fit l'Américain, avec une pointe d'ironie dans la voix. Le monocle de M. Jarvis tomba de son retranchement. Le tic de la mâchoire découvrit les dents jusqu'aux racines. Brusque et sérieux, il reprit. « Archibald Robinson, êtes-vous allé à Rome ?»« Oui, l'an dernier. »« Avez-vous vu le pape de Rome ?»« J'eus la curiosité de le voir. Ma demande fut bien accueillie. Si je ne me trompe, le désir de cette entrevue était réciproque. » Quelle impression vous a-t-il laissé? Comment vous dire? Un grand vieil aigle qui planait, passait toujours au-dessus de ma tête, regardait toujours plus loin que le point où ma pensée s'arrêtait. Il m'interrogeait sur le mouvement des idées religieuses dans mon pays. Il disait son opinion. À toutes mes objections respectueuses, il répondait en s'élançant par-dessus le fait actuel, comme si le présent était chose négligeable. Il allait chercher les conséquences de ce fait dans un lointain avenir. On eût dit qu'il disposait tranquillement de cet avenir. Nous ne pouvions nous entendre. Nous n'avions pas, lui et moi, la même mesure du temps. Imaginez que vous ayez à régler le programme de votre journée de travail, ou vous comptez par heure, avec un partenaire qui ne saurait compter que par année, par siècle. J'ai compris alors l'erreur des jugements portés sur cet homme par ceux qui font de la politique, tandis qu'il prétend orienter l'histoire à longue échéance. « C'est cela, » reprit M. Jarvis. « Eh bien, voilà ce qui nous manque, cher monsieur, ce qui manque à notre église civique, d'ailleurs si supérieure à la sienne. Un long voyant, un directeur suprême qui travaille chaque jour pour les siècles futurs. Rhodes l'avait bien senti lorsqu'il voulait organiser la milice dont je vous ai parlé. Le nouvel empire romain, celui que nous fondons, doit avoir comme l'autre ses augures. Des vigies volontaires qui éclairent à grande distance la marche de la race. Je m'efforce d'en être une. » À mon sens, dit M. Robinson, un péril plus immédiat devrait vous inquiéter. Vous redoutez une France africaine dans un avenir hypothétique. La France où nous sommes a cessé de vous préoccuper. Qui vous garantit qu'un flot de vie énergique et formidable n'y reviendra pas avant peu, qu'il ne jaillira pas précisément de ce réservoir africain où l'élite française l'aura puisé. Le visage du voyant prit une expression de commisération dédaigneuse. Nous n'appréhendons plus rien en Europe de la nation qui se meurt ici. Abattue par une défaite dont elle ne s'est pas relevée, déchirée par ses divisions, enragée de querelles théologiques, elle a perdu le tranchant combatif. À cette heure où un grand tressaillement impérialiste soulève toutes les autres races, elle n'en ressent même pas le contre-coup. Que craindrait-on d'un peuple qui ne sait pas choisir entre l'autorité et la liberté, d'un peuple qui n'a plus d'aptitude pour le commerce maritime, qui laisse périr les derniers débris de sa marine marchande, de son pouvoir sur la mer? Comme l'a très bien dit cet Allemand, Friedrich List, une nation sans marin, c'est un oiseau sans ailes. La longue main de l'Américain fit un geste de dénégation. J'ai regardé attentivement ce pays, cher monsieur. Peut-être est-il trop malade pour retrouver la santé au-dedans de lui-même, sans une infusion de sang nouveau. Mais une terre étrangère et une tâche nouvelle redonnent parfois à l'homme la vigueur de sa jeunesse. Cette race a des ressources vitales que l'observateur superficiel ne soupçonne pas. Qu'elle se retrempe dans l'action, et vous serez surpris par l'élan qu'elle y reprendra. M. Jarvis réfléchit un instant. Échauffé par l'idée que son interlocuteur lui suggérait, il repartit. Vous pourriez avoir raison. Le siècle dernier nous a montré les singuliers effets de ce choc en retour sur la vie française. Il semble qu'une prédestination ait fait de l'Afrique la terre où la France répare ses forces épuisées. Elle agonisait dans le désordre et l'anarchie quand l'Afrique lui renvoya le génie de la résolution sous la figure de Bonaparte. Et avec lui des vétérans invincibles, de jeunes chefs, le noyau de ces armées qui écrasèrent l'Europe. Nous savons ce qu'il nous en a coûté. 15 ans de lutte, où la puissance anglaise faillit sombrer à jamais. Et vous croyez possible une régénération nouvelle par un nouveau baptême africain? Peu nombreux encore sont ceux qu'ils reçoivent, mais ils deviendront des ferments actifs, les conducteurs de la masse inerte. J'ai pu observer de près l'un de ces hommes, exemplaire intéressant des vertus et des facultés que l'école africaine développe. Il n'est pas le seul. Qu'ils apprennent à se connaître, à se serrer les uns contre les autres, que la fortune serve l'un d'entre eux, et vous n'aurez pas trop de toute votre puissance pour défendre votre prodigieux empire contre les revanches d'un autre Napoléon. Si vous dites vrai, s'écria l'Anglais, raison de plus pour prévenir cette calamité, pour capter la source de vie où ils retremperaient leurs armes. Je n'ai aucun mauvais dessein contre la nation française, fit évasivement l'Américain. Je l'aime, elle est une parure nécessaire de l'humanité, le foyer d'où rayonnent sur nos races plus rudes les arts, les élégances raffinées, les feux charmants de l'esprit. Sans doute, appuya M. Jarvis, mais sa part est assez belle ainsi. Il faut la protéger elle-même, et les autres avec elle, contre son insupportable turbulence, l'empêcher de redevenir un épouvantail pour tous ses voisins. N'est-ce pas pour elle que le prophète Jérémie a dit « Babylone est une coupe d'or qui a enivré toute la terre. Toutes les nations ont bu de son vin, et elles en ont été agitées. » Il faut la maintenir à la place où nous l'aimons, sous la suprématie mondiale qui appartient indubitablement à notre race. N'est-ce pas votre avis, cher monsieur ? J'en conviens. Chargez-vous donc de la tâche que j'ai rêvée pour vous. Essayez de regagner l'avance que nous avons laissé prendre à nos rivaux. Disputez-leur un des joyaux de l'Afrique, une seconde Rhodésia peut-être, le sol que vous savez assez riche pour vous payer de vos peines, la mer intérieure où ils veulent installer le centre de leur domination. Savez-vous comment il s'appela d'abord ce fameux lac Tchad? Non. Il s'appela le lac Waterloo. Il reçut ce nom de Denham, le compagnon de Clapperton, le premier Européen qui vit ses eaux. Nom prédestiné, justifiez-le. Monsieur Robinson sourit. Vous oubliez que je ne suis pas un conquérant. La folie de cette sorte d'homme n'a pas prise sur moi. Je ne suis qu'un capitaine d'industrie, fort de la confiance de ses associés. Ce qu'étaient Clive et Warren Hastings, interrompit Monsieur Jarvis. La Compagnie des Indes fut-elle autre chose qu'un trust d'affaires comme le vôtre? elle ne cherchait que de beaux dividendes. Sans y penser, malgré eux, par la force des choses, ces marchands conquirent le vaste empire anglo-indien. Ils l'arrachèrent des mains de leurs compétiteurs français. Vous ferez comme eux, si vous le voulez. Ah, pourquoi faut-il que nos rivaux aient au Soudan des droits théoriques garantis par notre large consentement ? N'est-ce que cela ? S'écria M. Robinson. Ces derniers mots le ramenèrent au sentiment orgueilleux de son pouvoir. Et la vue de l'obstacle irrita cette froide frénésie qui était le principal mobile de ses actes, lorsqu'il risquait les plus grosses parties par défi, pour la joie de vaincre une difficulté. N'est-ce que cela ? Ces droits ne m'embrasseront guère si je fais charger les soldats nouveaux, mes dollars. Ils coloniseront le bassin du Tchad, mais mon petit soldat, quand j'y serai propriétaire des bateaux, du sol, des mines, quand j'y aurai construit le port, les villes, les routes, peu m'importeront les décrets qu'on y enverra de Paris, inutiles chiffons de papier. Peu m'importera la couleur du drapeau déployé pour quelque temps sur mon bien, celle des uniformes qui habilleront les pantins dont je ferai mouvoir les ficelles. J'aurai un suzerain lointain, soit, mais les eaux, les terres, les forêts, les marchandises seront miennes. Mienne la langue que parleront mes employés, les idées qu'ils répandront. Miens les indigènes qui vivront sur mes concessions, les sentiments qu'on inculquera à leurs enfants. Mien le Dieu qu'ils apprendront à prier. Nôtre, devrais-je dire, puisque je travaillerai pour la race, conjointement avec vos concitoyens, mes voisins. Et si l'on prétendait m'évincer des établissements créés par mon argent, me troubler dans mes droits d'honnête commerçant, toute ma nation se lèverait pour me défendre, toute notre race derrière ma nation. N'est-ce pas ainsi, cher monsieur, que vous acquérez les pays où l'on a l'imprudence de molester un sujet britannique ? Monsieur Jarvis s'est élevé. Son tic redoublait de fréquence. Le monocle, définitivement expulsé, ne voilait plus la flamme qui pétillait dans son œil. Penché sur la table, une main ouverte sur la Bible du Mayflower, il s'écria : Mon cher Archibald, laissez-moi vous appeler ainsi. Je croyais trouver un élève. Je rencontre un maître qui me dépasse. Que l'esprit de la race vous soutienne dans votre noble entreprise. Puissiez-vous y réussir au-delà de vos souhaits et des miens ? Monsieur Robinson hocha la tête. Je ne suis pas certain de réussir. Mes projets sont à la merci d'un homme, le seul à cette heure qui puisse en assurer la réalisation, le seul qui sache tous les secrets de ces pays inconnus. L'unique maître devant lequel se courbent les indigènes. Cet homme me résiste. Son opposition énergique peut ruiner nos espérances. N'avons-nous pas sans moyen de la réduire, l'argent ? L'argent n'a pas de prise sur lui. L'ambition ? La sienne est d'une qualité particulière, désintéressée, chimérique, contenue par des règles étroites comme celles qu'observe un religieux. Je pense à d'autres ressorts. On doit toujours trouver le ressort qui fait mouvoir un homme. La femme. M. Jarvis fronça le sourcil, récita gravement la sentence du sage. Ne donnez pas à la femme pouvoir sur votre âme, de peur qu'elle ne vous enlève votre force et que vous ne soyez confondu. Quiconque s'engage avec elle n'en reviendra point et ne rentrera pas dans les sentiers de la vie. Si notre pauvre Rhodes n'a pas achevé ses grands desseins, il regarda le portrait avec componction. C'est qu'il eut le malheur de faiblir devant la femme. Il est mort prématurément, victime des artifices de la femme. Gardez-vous de l'éternel ennemi, cher Archibald. L'œil scruta le visage de M. Robinson avec une interrogation inquiète, comme s'il voulait lire au fond de cette âme. L'Américain soutint tranquillement ce regard inquisiteur. Il dit : La femme est un instrument dangereux, dont il faut savoir user sans se blesser. Adieu, fit solennellement M. Jarvis. Cette heure comptera parmi les plus mémorables, autant que l'heure où Rhodes et Steed se rencontrèrent enfin. Comme nous, ils se cherchaient sans se connaître. L'impérialisme anglo-saxon naquit d'une réciproque effusion de leurs cœurs. À nous de continuer ce qu'ébauchèrent nos précurseurs. Une seconde fois, l'idée et l'action se réunissent pour enfanter des prodiges. Adieu. Je ne sais quand je vous reverrai. Je vais en Russie. J'y porte à des oreilles préparées les paroles de la paix chrétienne que notre règne doit assurer à la terre. À mon retour, vous serez sans doute reparti pour l'Amérique. Que le Seigneur bénisse vos efforts comme il a béni ceux de Caleb et de Josué. Ils se serrèrent longuement les mains. Hiram Jarvis redressa son grand corps, rechargea son plaid sur le bras gauche, sortit. M. Robinson s'assit à son bureau, ouvrit la vieille Bible, lut quelques versets. Soudain, son front se releva, plissé par un souci qui lui revenait en mémoire. Il pressa deux fois un timbre électrique. C'était le signal qui appelait Joey. L'honnête secrétaire montra dans l'embrasure de la porte un visage légèrement bouffi par le premier sommeil. « Joey, vous n'oubliez pas qu'on vend après-demain mon chemin de fer du Nebraska. Arnold Wilkinson le rachètera. C'est convenu entre nous. Demain, les porteurs d'actions jetteront sur la place de New York leurs papiers avilis. Je rachète ferme tous les titres offerts à la bourse. Câblé en conséquence à l'agent dès ce soir. Ce sera, je pense, une opération très avantageuse. Allez, mon garçon !»